Les meufs rentrent trop, les mecs ouf, on peut se taper, se tuer, pour une fouf. Le cas c'est que c'est souvent à cause d'une pouffe, qui suce pas des tomes, non, elle les bouffe. Les meufs nous rendent ouf, nous étouffent, comment se rendre malade, à ce point là c'est ouf. En vrai on les aime, on pourrait pas s'en passer, mais moins on les voit, on est au sport, c'est un truc de taré. Faudrait trouver un juste milieu, faudrait équilibrer entre celles qui ne te lâchent jamais et celles qui vont ailleurs se faire sauter. Comment ne pas s'embrouiller, trouver une meuf belle, intelligente et fidèle, c'est d'une pure rareté. C'est vrai, avouez-vous, nous en faites baver entre les changements d'humeur et les changements de mentalité. Vous passez du rire aux larmes et vous nous faites valser, on sait même pas quoi faire. Quand vous pleurez, faut vous réconforter, arrêtez de crier, car moi j'ai un putain de mal de teuté. Vous emportez pour un rien, on dit un truc de travers. Et ça y est, c'est baiser. Salut les meufs, rend les mecs ouf, tu vois. On les aime et on pourrait s'en passer des fois. Je sais, faites des plombs parfois. Mais moi au moins, c'est pas une fois par mois. Vous dites qu'on pense qu'au sexe et à l'alcool. Mais vous devant un rayon vêtements, vous êtes toutes folles. Vous faites fumer nos cartes de crédit et notre argent s'envole. Bébé, t'as pas 5€? Ouais, t'as cru, c'est ça, t'es une folle. Laissez-nous un peu respirer. Désolé si j'aime être seul à mes soirées. Vous êtes jalouse pour un rien. Je vois une meuf bien lui fait la bise et je me fais incendier. Laissez-nous un peu de liberté, car un homme enfermé, crois-moi c'est mauvais. Vous voulez qu'on soit vos princes charmants, commencez déjà par être des princesses avant. Vous restez 2 heures dans la salle de bain, restez naturel et mettez moins de fond de teint. Vous vous plaignez de vous faire draguer, arrêtez de mettre de gros décolleté ou vous mini-jupez. J'avoue que vous êtes les mères de nos enfants et que sans vous, la vie ne serait pas possible. Mais arrêtez de gueuler tout le temps pour des trucs trop débiles. Vous êtes ce qu'il y a de plus beau sur terre, alors arrêtez de dire que vous êtes horrible, car ça me vénère. Faut quand même avouer malgré tout que les meufs on pourrait pas s'en passer. Elles nous rendent souvent dingues, mais sans elles on serait trop paumés. On a besoin d'elles, comme elles ont besoin de nous, on est fous d'elles, mais elles nous rendent fous.